Welcome to the world of not. Nothing is here, nothing is glory, glory is nothing is fucking hell, shit. Fucking shit. I like to fuck my own shit all the time. I fuck my own shit when I die. I like it. I like to fuck my own shit and like it and shit and die. I like to come in my pus and blood. I like to die. I love it. It's everywhere, it's even here. Hell is here. Hell and nothingness, they reign. They rule. Yeah, it's good to suck big fucking cock and cum and pussy wipe all the time. The whole fucking time in hell and heaven. All at the same time. You know what I mean? You know what I mean? Yeah, man. Ja Rastafari, Glissiasi, Emperor of Ethiopia, Jaja, yeah, man. Le Glaucomate est là. Bienvenue Glaucomate. Viens nous perchouse avec ta mousse. Ouais ouais. Perche-nous avec ta mousse, tu vois ce que je veux dire? Prends ta mousse et perche-nous avec. Ouais. Allez, ça va. Percher la mousse. Percher la mousse, même, je dirais moi. Percher la mousse. Ouais, ouais, c'est percher la mousse. Percher la mousse. Allez, viens percer la bouse avec nous. Marcher dans la bouse. Oh. Oui. Yeah. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bébé, ouais, je t'aime tellement, bébé, ouais. Je t'aime tellement, bébé, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, bébé. Comme je t'aime trop, bébé, tu sais ça, ouais. Baouga, baouga. Nous sommes là, ouais. Ah, moi, j'entends rien. Faut gueuler ici pour se entendre. Putain, ouais. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oh, oui. Voilà, ici c'est mieux, comme ça c'est mieux. Voilà, là on m'entend plus, hein. On entend. On entend tout, hein. On entend tout. Tout. On entend tout. Pourquoi j'ai coupé? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tousses? Merde, on comprend rien, on est au-dessus du rouge. Oui. On comprend rien ce qu'on dit, c'est vraiment super nul, la shit, c'est de la merde. Bébé, je t'aime, bébé. Je te mets la bite dans la chatte, parce que je t'aime tellement. Bébé, épouse-moi et fais-moi des gamins dans le cul. Oh, comme je t'aime, bébé. Ah oui, alors. Tout plein. Oh. Waouh. Oh, Choubidou wop wop wop choubidou wop choubidou wop wop choubidou wop wop choubidou wop wop wop wop piou brouillou choubidou wop wop. Tu as l'heure? Je sais pas, il est 5h25. Tu crois dans une gare? Oui, mais nous sommes à la gare, nous sommes à la gare. Nous sommes actuellement, n'est-ce pas, à la gare et gare à ta gare. Nous sommes à la gare. À la gare Saint-Lazare de Matabiau. À la gare comme à la gare. À la gare comme à la gare. Je me dis merde. Oh. J'ai mal réglé le son exprès. Ah. Je suis un beau connard. Ah ah. Oui. Merde. Oh. Frémissante merde. Oh oh. Je frémis. Encore merde. Chaude. Encore chaude. Froide comme un cul. Ah oh. Mais un cul, ça peut être chaud. Ouais, mais moi, mon cul, il est froid, alors j'ai envie de dire froid. Ah, c'est la preuve que t'as pas de fièvre. J'ai l'âme noire d'un obscur, sombre été. Yeah. Et je fais de la poésie sonore. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle est sonore, ma poésie. Prout. Oui. Top. Oui. Mais je crois pas qu'on peut dire ça comme ça, leur dire face à face, tu sais, je m'emmerde, je m'encule, tout ça. Non, mais je m'encule, c'est même à faire, c'est pas facile à réaliser. Non, mais c'est une façon de parler. Ah oui. Il n'y a pas de quiproquo quoi, entre nous, tu vois, ce genre. Quiproquo, tu vois. Mélimélo. Non, je m'encule moi, tu vois. Je m'encule pas toi. Ça n'a rien à voir, c'est pas possible d'ailleurs, tu vois. Tu vois bien que c'est censé mon discours quand même. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes à la gare. La gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare. C'est dramatique, dramatique. C'est pas plutôt un aéroport. C'est Orly. C'est bien, hein? Ouais. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. I want to fuck myself in the ass, in the ass. Ow, ow, ow. I want to fuck myself in the ass, in the ass, in the ass. Ow, ow. My ass is fucking hot. Oh yeah, it's hot. Oh, I've got a hot ass. Oh really? Oh yeah. God, it's incredible. Yeah. Yeah, baby. Fuck me. No. Tu veux dire salut, ça va, t'as envie de parler de quoi, tu veux parler de ce que tu veux, ou tu veux parler de ce que je veux moi, ou tu veux parler de quelque chose d'autre à part toi ou moi, tu sais. Tu veux parler de quoi? De ce que tu veux, parce que j'ai rien à dire, donc c'est pareil. Ok, ça marche, je vais parler alors. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, Faut pas dire ça à la radio comme ça, tu sais. Il faut d'abord leur présenter les choses, leur dire que c'est une émission d'expression libre, c'est une nuisance oui, sur Canal Sud 92.2 FM, pardon, ou canalsud.net sur internet, le téléphone, le 05 61 53 36 95, si vous avez des plaintes. Et sinon, appelez-moi. Des plaintes, des carrelages, voilà, du cendrier, ou une poubelle. On en manque de poubelles en ce moment, donc si vous voulez bien nous amener une poubelle avec un sac plastique, ou un sac poubelle, encore mieux, comme ça vous aurez acheté un truc dans votre vie, une bande de nazes. C'est moi qui parle. Je sais de quoi je parle. Je sais reconnaître un naze quand j'en vois un. Alors, comme je disais, Canal Sud a l'honneur, le respectable, l'irrespectable honneur, le déshonorable honneur, d'accueillir une émission d'expression libre et à tendance brutiste qui est Nuisance. Nuisance sur Canal Sud 92.2. C'est tous les vendredis de 21h à 23h. Tout à fait. Je n'aurais pas mieux dit. Dans 35 secondes, vous serez dans la dimension X. L'espoir règne dans un monde de 100 mètres. Ouais, t'as vu le dernier film de Steven Spielberg, il pue de la gueule, quel enculé ce bâtard. parce qu'en plus j'avais pas la déconcentre. Si on me l'aurait dit, j'aurais fait gaffe. C'est quoi ? Tu t'aurais dit ce qu'on a fait. Ah, mais t'inquiète. Hein. Ah non, j'aurais pu, ouais, mais je t'ai pas vu. Moi non plus, je t'ai pas vu. Mon nom est Paris, c'est Paris,

lâche ton son dans mon cul. Wesh, wesh. Dans mon cul. Yeah, yeah. Welcome, welcome everybody. This is the fuckiest, shittiest fucking fuck in the fucking fucking fuck. Ouais, c'est la fête. Tous en boîte ce soir, on va se choper des trucs. Ouais, on va se les foutre dans le cul. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ouais, je parle de suppositoire de Satan la bite. Ouais. Satan la bite. Encule-nous tous et toutes. Ouh bébé, oui Satan, je t'écoute. Oui, gloire à Satan, gloire à Satan, gloire à Satan. Ouais. Gloire à l'enfer. Qui pue du keg, qui pue la moule et la merde aussi. Beaucoup la merde, ouais. Ouais, c'est la teuf ce soir. Toutes et tous, tout droit en enfer. On ira tous en enfer, tu verras. On ira tous en enfer, ouais, tu verras. La merde, 1€ la merde, 1€ la merde, tout qui dit plus, qui dit mieux, 2€ la merde, ouais, qui veut plus, 1 million la merde, allez, la merde, qui veut la merde, 2 millions, 6 la merde, ouais, vendu. Ouais, la belle bouse, combien de la bouse? $3 milliards la bouse, allez, vendu. C'est un vendu hal. Il encule les pauvres, il vend de la merde, pour pas cher, en plus. Parce que fait qu'il nique le marché avec toute sa merde. Et elle pue sa merde, faut le savoir. Elle rend acariâtre, et grivois, et macabre. Et en plus, elle rend rabat-joie sa merde. La merde, ça rend rabat-joie. Abat-jour. Abat le jour. Vive la merde. Que vive la merde pour toujours. Abat, abat la fête. À bas les fêtards, à mort la fête, à mort la drogue, à mort l'anus, à mort le sexe, à mort. Nous ce qu'on veut, c'est l'azur bleuté. L'azur bleuté. L'azur bleuté. L'azur bleuté. L'azur bleuté. L'azur bleuté. Bleuté. Non, on l'aura pas. C'est pas pour ce soir l'azur bleuté. Ce soir c'est la merde, c'est nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Je répète le 05 61 53 36 95. Un lieu. Le 40 rue Alfred Duméril. 31 400 Toulouse, France. Fuck us, fuck everybody. We deserve to fuck us. We deserve to be fucked by us. I mean it, man, woman, fuck us. Yeah. c'est les pauvres. Oui. Oh. L'enfer, c'est les pauvres de soir. L'ego, les mecs, c'est de la merde. Ils se laissent crever dans le caniveau. Le bonheur, c'est l'ego. Plein d'ego, il nous faut plein d'ego et l'utisme. Plein d'autisme aussi, il nous faut l'utisme. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne l'égotisme, l'égotisme, l'égotisme, ouais. Ouais, despotisme de l'ego. Ouais, on veut du fric, plein de clous, du blé. Ouais, donnez-nous du fric, du blé, du clous, on en veut plein. On veut du fric, du fric, du fric, donnez-nous notre fric, culé. C'est mon fric, bordel, allez vous faire foutre. De la merde, je m'encule. Fais-moi une belle courir. t'aime tellement. Fils de mon football. Thank you. J'ai un truc à dire.